micro ouvert, en deux parties. Donc la première partie, c'est avec Silvia Pérez Vitoria, qui a écrit plein de choses, entre autres le manifeste pour un 21e siècle paysan, à écouter là tout de suite. C'est vrai que là, on le voit, on l'a vu avec ce confinement, des choses qui ont circulé avec des images énormes, le choc. Hein, ces voitures qui font la file pour aller bouffer de la merde. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de bouffe de merde pour tout le monde. Et que surtout, ça ne nous divise pas, quoi. Le problème, ce n'est pas les gens qui vont bouffer de la merde. Moi, je ne crois pas, quoi. Moi, je crois que c'est plutôt le système qui a créé cette merde. Ce n'est pas les gens. Les gens n'ont pas toujours le temps de penser, de réfléchir. Enfin, voilà, c'est... Mais je suis sûre et certaine que les gens, tous, souhaiteraient manger des bonnes choses, quoi. Alors, c'est à quel degré on s'est fait lobotomiser, à savoir exactement qu'est-ce que c'est bien manger, qu'est-ce que c'est manger, j'avais envie de dire ça. Et puis la deuxième partie, on parle avec Ezio Gandin, qui a été président des Amis de la Terre pendant plein de temps, et avec lui, on parle d'énergie, de climat, etc. La question, c'est... Agnès Buzyn est-elle l'épouse du directeur de l'INSERM? Celui-ci aurait-il participé à l'inauguration du labo P4 à Wuhan, d'où le virus est sorti? Le mari d'Agnès Buzyn aurait refusé le label de l'INSERM à l'IHU dirigé par Raoult. Est-ce vrai? Il aurait révoqué le statut de fondation des IHU pour reprendre le contrôle sur leurs recherches. Est-ce vrai? Est-il vrai qu'Agnès Buzyn, en janvier 2020, classe la chloroquine parmi les substances vénéneuses, alors que depuis 50 ans, elle est vendue sans ordonnance? Est-il vrai que le stock de chloroquine a été pillé? Quid du Maroc qui achète de la chloroquine à Sanofi? Quid du Pakistan? On en a marre! J'ai ici en face de moi Silvia Pérez Vitoria. C'est juste? Oui, c'est exactement ça. Silvia Pérez Vitoria. Voilà. Et je me retrouve devant le dernier livre. Oui. Manifeste, oui, pour un 21e siècle paysan. Et alors, tu es économiste et sociologue. Tu as réalisé des films documentaires sur les questions agricoles et paysannes aux États-Unis, en Espagne, en France, en Roumanie, en Italie, au Mexique, au Nicaragua. Et tu es auteur « Les paysans sont de retour ». Ça, c'était en 2005, traduit en italien, en espagnol et en allemand. Tu as reçu en Italie le prix Farmer's Friend. Enfin, j'ai un problème avec mon anglais, tu sais bien. Hein? Farmer's Friend. Ça veut dire les amis de la ferme ou quoi? Les paysans. D'accord. Et tu as aussi reçu un prix Nonino en 2009. C'est quoi le prix Nonino? C'est un prix qui est donné en Italie aussi à c'est par une entreprise curieusement de grappa qui s'appelle Nonino, et c'est un des grands prix de livres qui est donné en Italie. Alors c'est donné à un écrivain de littérature, c'est donné à un essayiste et c'est donné à un penseur. Et moi j'ai eu celui de le prix Nonino proprement dit, l'essayiste. Tu as aussi écrit La riposte des paysans, ça c'est en 2010. Tu as coédité Petit Précis d'agroécologie, mais tu n'as pas arrêté, hein, en 2008. Et tu as collaboré à l'ouvrage La bio entre business et projet de société aux éditions Agone, ça je vois bien, en 2012. Bah, la première question qui vient, c'est qu'est-ce que tu as? Comment ça se fait que c'est comme ça, récurrent, ces livres, toutes ces recherches, toute cette parole donnée à ce monde-là? Comment ça se fait? Ben, je me suis passionnée pour le monde paysan. Je pense que c'est absolument... D'abord, c'est un monde qui existe. Les paysans, il y en a partout dans le monde. Et ils sont très différents, très variés. Je trouve que c'est une approche du monde. Rentrer dans un pays, rentrer dans un endroit en s'interrogeant sur la situation des paysans, ça me paraît la manière la plus intéressante de connaître un endroit. Et je pense qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans l'avenir de nos sociétés. Et donc, je suis passionnée par eux, voilà, je les aime, et puis c'est tout. Oui, mais on a envie de comprendre, j'entends bien tout ce que tu viens de dire, mais quoi, ça raconte quoi, l'histoire d'un pays, enfin, des agriculteurs, c'est les gens qui produisent aussi. Enfin, tu vois, essayer un peu plus approcher la chose là, pour qu'on comprenne un peu mieux? D'abord, c'est des gens qui sont en rapport avec la nature. Ce sont ceux, les seuls vraiment qui travaillent directement avec la nature dans tout ce qu'elle a de mystérieux, d'étrange, d'extraordinaire, de généreux. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, ce sont des gens qui occupent un territoire, qui occupent un espace et qui ont une manière de l'occuper très particulière, qui est très différente de celle des urbains ou celle des villes ou celle des usines même. Et ce sont des gens qui produisent la seule chose indispensable à la vie, qui est la nourriture. Donc ça fait beaucoup de choses pour une seule catégorie sociale. Et puis ce sont des gens sur le plan humain, ceux que j'ai rencontrés un peu partout dans le monde, que je trouve tout à fait passionnants, extraordinaires, riches et très divers aussi, très intéressants. Mais moi j'aime bien rentrer dans le vif du sujet. Donc ça commençait comment alors? Quel a été ton premier... travail par rapport à ça? J'ai travaillé en Amérique latine et je me suis retrouvée dans un centre de recherche agricole. Ça ne m'intéressait pas du tout au départ, l'agriculture. Je me suis retrouvée un peu par hasard. Et je suis travaillée pendant un an et tout à coup, j'ai découvert un autre monde. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout orienté, mes études, mes mémoires, ma thèse, enfin tout autour de ça. J'ai commencé à faire des films et puis après, je me suis décidée à écrire. Et voilà. Et après, je suis de très près. Je fais beaucoup de terrain, en fait, énormément. Je suis beaucoup. C'était ça que j'avais envie qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. On a le temps. Je sais que c'est une grosse journée pour toi parce que tu as encore une conférence et puis aujourd'hui toute la journée, blablabli, sur justement cette agriculture. Mais non, c'est comment on dit? Sur ce monde de l'agriculteur, non? Non, ça on dit pas comme ça. C'est sur ce monde de agriculture, voilà. Je suis désolée, mais j'avais envie de rentrer vraiment un peu dans le vif du sujet parce que tu dis oui, c'est un monde, ceci, cela, c'est super. Bon, tu le dis autrement, mais qu'est-ce que tu as découvert, quoi? Qu'est-ce que tu es allé chercher au fond? Bon, moi comme ça, sans vraiment me pencher dessus ni écrire des livres, on sait que tout ce milieu paysan, tous ces gens qui travaillent la terre, même pas que ici en Europe, c'est aussi là-bas, dans le sud, on est de plus en plus à retirer les terres des gens, à ce qu'ils soient autonomes, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi un peu travailler par un système d'empêcher les gens de se nourrir, comme ça, ils dépendraient de l'agro-business, en fait. Y a ça aussi, ou bien c'est n'importe quoi? Non, mais l'histoire de l'agriculture, de la modernisation de l'agriculture, c'est la transformation du paysan en agriculteur, on pourrait dire, pour aller vite. Et en fait, c'est justement lui faire perdre son autonomie, c'est-à-dire lui faire perdre ses savoir-faire, l'endetter de façon à ce qu'il produise comme il faut et dans les conditions qu'on lui impose, n'avoir aucune maîtrise sur les prix du marché. Avant, un paysan, il allait sur le marché, il pouvait négocier son prix. Maintenant, face à un marché international, il n'a aucune prise. Donc, c'est un des secteurs du monde qui avait une certaine autonomie et qui, d'ailleurs, a joué... parfois, on l'oublie, on considère toujours les paysans comme des rétrogrades, des ploucs, enfin, etc., etc. Mais dans l'histoire de l'humanité, les paysans ont toujours été... dans toutes les luttes de l'histoire, que ce soit les révolutions, que ce soit les mouvements de libération, que ce soit avec une vraie revendication de liberté. Et il y a des liens d'ailleurs entre l'anarchisme et le monde paysan. Les grandes expériences anarchistes qui ont lieu par exemple en Espagne, c'était des expériences paysannes. Donc ce sont des gens qui ont plusieurs facettes et qui m'intéressent, toutes leurs facettes m'intéressent en fait. Oui, donc ce monde de business a mis la main dessus aujourd'hui très clairement, quoi. Partout dans le monde, c'est une question, partout dans le monde, non, il reste encore des endroits où on cultive simplement la terre avec des outils basiquement. Toi qui as voyagé comme ça un peu partout. Non, mais bien sûr, la majorité des paysans dans le monde n'est pas ni mécanisé, utilisant la chimie. Mais enfin, tout le système tend à leur enlever la terre, à leur enlever les moyens de production, à les empêcher de continuer à vivre tranquillement. Donc, il y a tout un processus de modernisation, industrialisation qui est en marche, depuis notamment la Deuxième Guerre mondiale, et qui vise à éliminer ces îlots de liberté, parce qu'on peut les appeler comme ça quand même, même si c'est dur. Le travail de paysan est dur, mais quand même avec un choix Et les paysans, quand ils sont vraiment bien dans leur métier, qu'ils sont contents, c'est vraiment des gens heureux, en fait. Je peux dire que j'ai rencontré des paysans heureux, comme dans le film. Ça se traduit comment, un paysan heureux ? Ils aiment ce qu'ils font, ils innovent sans arrêt, ils trouvent des solutions, ils s'entraident, donc c'est des gens assez extraordinaires de ce point de vue-là. Ils sont très très différents de, malheureusement, des agriculteurs qui se retrouvent très dépendants, qui se retrouvent endettés, dont beaucoup sont obligés de se suicider, qui voient pas, qui ont dans les paysans aussi l'idée de la transmission, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, mais l'idée de la transmission, c'est très important, parce que travailler pour que ça ait un sens, il faut que les enfants reprennent, ou que quelqu'un reprenne, ou que le travail ne soit pas complètement détruit. Donc les paysans, c'est aussi des gens qui veulent que ça se continue après eux. Ce sont des gens qui sont sur le long terme, sur le très long terme, en fait. Mais t'as pas l'impression que le monde paysan, des agriculteurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, c'est plus rare les paysans de notre côté en Europe. Il y en a encore. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il existe un mouvement international, Via Campesina, qui a été créé en 93, pardon, et qui se revendique international, je dis bien, qui est le plus grand mouvement social au monde quand même. Il y a 200 millions de gens qui sont dans ce mouvement, et ils se revendiquent comme paysans, et paysans au nord comme au sud. Il y en a même aux États-Unis, ce qui est quand même pas évident. Donc il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a bien sûr. Là où il y a le plus de paysans, c'est dans les pays du sud, bien évidemment, c'est normal. Mais ça n'empêche pas, et que beaucoup de jeunes qui veulent s'installer en tant que paysans. Pas devenir agriculteur, Donc ça, oui, c'est intéressant. Pas devenir agriculteur avec des gros tracteurs, voilà. des dettes et compagnie, quoi. C'est un peu ça la différence entre paysan et agriculteur. Mais t'as pas l'impression, bon là, on fait un petit écart, mais j'ai l'impression aussi que dans le monde en général, c'est comme si un peu les paysans et les agriculteurs, c'était encore les derniers qui se battaient un peu pour pas perdre leur autonomie, ou en tout cas la retrouver, et que la plupart des gens l'ont perdue, quoi. Enfin, il y a une histoire générale aussi qui fait que la plupart des gens ont dû se ranger, aller à l'usine, tu vois, perdre la terre où on était autonome, et quelque part, les paysans et les agriculteurs, c'est une dernière trace encore d'autonomie sur la terre, quoi. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord, hein. C'est en ça qui me semble porteur de valeurs différentes de notre système, justement par cette autonomie, cette indépendance dans laquelle ils sont. Et d'ailleurs, tout au début, il y a des témoignages très intéressants, parce qu'on dit toujours « Ah oui, mais les paysans, c'est très dur, donc ils avaient qu'une envie, c'était d'aller travailler à la ville, parce que c'était quand même plus facile, etc. » Et il y a des témoignages de gens qui racontent que quand les fils, ils revenaient en vacances voir leurs parents leur disaient « Mais enfin, mais comment tu peux travailler dans une usine ? Ici, tu es libre, ici, tu décides, ici. Et là, tu es obligé d'obéir, tu maîtrises même pas ton outil, rien du tout. » Moi, je trouve ça vraiment très significatif. Et en fait, maintenant, tous les mouvements actuellement de paysans, c'est justement pour retrouver toutes les formes d'autonomie, y compris du matériel, y compris des semences, y compris... Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est un îlot de résistance, on peut dire. J'allais dire le mot résistance, quoi. Mais c'est particulier, cette espèce d'histoire qui n'arrête pas de tourner, tu vois. Je donne souvent cette idée, mais... Tu sais, il y avait dans les années 60, la femme dans la cuisine avec sa boîte de conserve. Là. Tu vois, c'était la révolution. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, il faut revenir à la cuisine, prendre le temps de la cuisine, aller chercher ses légumes au marché. T'expliques ça comment, toi ? Tu vois, cette espèce de... C'est qui décide ? C'est quoi cette norme ou cette idéologie ? Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je ne pense pas que ce soit une norme idéologique. Je crois que petit à petit, il y a une prise de conscience qu'on s'est trompé dans le modèle qu'on a choisi, qu'on est dans des impasses absolument irréductibles, et que donc que ça n'aide ni la santé, ni l'environnement, ni encore moins la nourriture. Et donc le désir de se rendre compte qu'il faut passer sur la mode, parce qu'il y a aussi des phénomènes de mode qui sont quand même assez, comment dire... Qui, qui, qui, qui font de la récupération, en fait, et qui ne vont pas au fond des choses, qui ne vont pas au fond du problème. Hein, parce que les gens sont très préoccupés par leur santé, par l'environnement, très peu par ce qu'il y a derrière la production de l'alimentation. Bon, ça, c'est mis ça à part, il y a quand même une prise de conscience. Que, d'abord parce qu'il y a des scandales, parce qu'il y a eu toutes sortes de maladies dues au système agroalimentaire, la listériose, la salmonellose, il y a sans arrêt des produits qui repartent parce qu'ils sont en mauvaises conditions et produisent des intoxications. Bon, il y a pas mal de problèmes et donc il y a un désir de quelque chose de plus naturel, de plus normal, de plus voilà, directement produit par le producteur. Donc ça, ça me paraît une bonne chose. Ça ne suffira pas à sauver les paysans. Hein. Ça ne viendra pas par la consommation. Il faut vraiment qu'il y ait une révolution au niveau du système de production. Sinon, ce qui n'est pas le cas. Quand on voit les signatures faites avec l'Amérique... Fin... Oui, tous les traités de libre-échange vont exactement en sens contraire, puisque ils visent à favoriser les prix les plus bas et donc à couler les paysans qui ne sont pas suffisamment productifs, donc c'est les petits. Donc ça va accélérer au contraire la disparition des paysans, donc ça me paraît très très grave. Voilà, donc, mais quand même malgré tout, je pense qu'il y a une prise de conscience, et y compris chez les agriculteurs qui... Parce qu'ils se suicident, parce qu'ils tombent malades eux-mêmes des produits qu'ils mettent sur leur production, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils perdent de plus en plus tout contrôle sur ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il n'y a pas de problème de transmission. Eux-mêmes sont en train de prendre conscience, et parfois c'est leurs enfants qui prennent conscience. Comme si c'était un retour en arrière, parce qu'eux se sont rebellés contre leurs grands-parents parce qu'ils étaient trop traditionnels, et maintenant c'est les enfants qui veulent revenir à des systèmes plus traditionnels. C'est intéressant aussi. J'avais dit un documentaire justement sur les fermes, et... Il y avait une vieille dame qui disait « c'est dingue, quoi. Il y a une période où on nous demandait de « t'es pas dans le coup, t'es pas moderne, hein, les générations qui suivaient derrière, et maintenant on nous demande de faire l'inverse, quoi. » Et ils se retrouvent aussi pas mal dans une impasse, quand même, toutes ces fermes aussi. Hein. Les gens doivent vraiment se demander aussi qu'est-ce qu'on veut de nous, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, toi, c'est compliqué parce qu'en même temps, tu as une ferme, tu ne peux pas faire ce que tu veux, hein, et de moins en moins, évidemment. Du coup, moi, j'ai envie de poser cette question. Toi qui as un petit peu senti le pouls de, en allant en France, en Espagne, en Roumanie, en rencontrant tout ce milieu-là, tu n'as pas le sentiment qu'on est un peu à la croisée des chemins entre c'est la mort, tu vois, ou bien il y a vraiment... quelque chose qui se prépare et une alternative vraiment forte, quoi. C'est pas simplement coup-ci, coup-ça à quelques endroits. Je parle d'ici, moi, plus, hein, parce que je connais moins là-bas. Hein. Mais du coup, comme toi, tu as pas mal voyagé. Est-ce qu'on n'est pas justement à regarder tout ça en se disant, bah oui, au fond, c'est la fin de quelque chose. Et évidemment, on a envie d'autre chose, mais à échelle globale, c'est quand même la fin de quelque chose. C'est un peu pessimiste, hein. Non, mais je pense que si on ne redonne pas toute leur place aux paysans dans la société, c'est des choix de société fondamentaux, hein, c'est-à-dire, par exemple, décider qu'on doit donner plus de valeur à la nourriture qu'à un portable, en termes de prix, par exemple, accepter de payer plus cher un aliment plutôt que de payer... Si on ne redonne pas toute leur place aux paysans, on a, à mon avis, nos sociétés n'ont aucun avenir. Ça, pour moi, c'est absolument sûr et certain. Alors, j'espère me tromper, ou je me trompe peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est ma conviction très forte. Parce que c'est là que se joue l'avenir de l'humanité. Ça se joue autour de cette question-là. Oui, c'est ça. Et le politique, je n'ai pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui bouge dans sa tête. C'est... Enfin, tu vois, alors, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le politique qui continue à signer ses traités, à faire son business, et puis des gens comme ici... je ne sais plus qui organisait, en tout cas des groupes d'assos. Semer le futur. Voilà, des plusieurs personnes comme ça. Et j'ai l'impression que c'est genre les derniers des Mohicans, comme ça un peu. Mais non, parce que des groupes comme ça, il y en a dans le monde entier. Et il y en a notamment dans les pays européens, il y en a partout. Donc ça, c'est quand même un signe qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors, moi, je pense qu'il y a une urgence. Je pense qu'il y a une course de vitesse. Je pense que le fait d'avoir transformé la nourriture en marchandise, parce que c'est ça, fait que pour les technocrates et pour les hommes politiques, ce sont des chiffres, ce sont des dimensions, mais ça, jamais ce qu'il y a derrière n'est pris en compte. Alors que tous ces gens qui sont ici redonnent toutes leurs dimensions et toutes leurs richesses à la nourriture dans ce qu'elle est, à la fois comme production, à la fois comme rapport au vivant, à la fois comme aliment pour la santé, à la fois comme partage, parce que c'est quelque chose qui se partage, qu'on prépare, qui fait partie de la vie sociale, qui est centrale dans la vie sociale. Et c'est autre chose que d'aller manger dans un fast-food. Mais ça, évidemment, entre toi et moi, d'accord, mais il y a la masse de gens. Tu vois, ce qu'on parle là maintenant, c'est une niche. Voilà, c'est une niche, c'est des groupes de gens par-ci. Enfin, moi, j'ai déjà voyagé avec mon micro, comme ça, je rencontre les gens. Et par exemple, on m'a expliqué que pour vivre en étant paysan, hein, parce qu'on a envie de redevenir paysan et pas agriculteur, mais c'est complètement galère, c'est pas possible. Enfin, tu vois, c'est vraiment un combat à mener, en plus, avec des politiques qui font tout le contraire. Donc voilà, je sais pas, personne connaît le futur, hein, mais évidemment qu'on a envie que tout ça se mette ensemble, que ça prenne de la force. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un monde schizophrène, quoi, entre le politique et les gens de terrain, voilà. Le fait qu'il y ait un mouvement social de 200 millions de membres, c'est pas du tout anodin. Hein. C'est le premier, plus important mouvement social au monde, plus important que le mouvement ouvrier, plus important que tous les autres mouvements qui existent. Donc ça, qui a une force, qui est implantée partout et qui se bat justement pour un autre type d'agriculture. Et donc ça, il y a des luttes partout et il y a des prises, des analyses partout. Il y a une reconnaissance, y compris par les Nations Unies. Ça vaut ce que ça vaut parce qu'on sait très bien que les Nations Unies, que les droits sont décrits, mais qu'après ils ne sont pas respectés, mais enfin en tout cas ils ont lutté pour être reconnus, ils sont reconnus, et ça je pense que c'est, on peut s'appuyer quand même sur une force. Tant qu'il n'y a pas une force sociale pour porter des idées, on n'a pas beaucoup de chance. Là il y en a une, et bien il faut absolument la soutenir, l'appuyer, la voilà. Alors, et si on parlait un petit peu de, donc de, c'est ton dernier, oui, manifeste pour un 21e siècle paysan, quoi. J'ai pas pu lire, c'est dommage, parce que sinon j'aime bien, tu sais. Mais voilà, tu racontes un petit peu, c'est quoi ce manifeste? En fait, c'est l'aboutissement de... J'ai écrit deux livres avant. Le premier, ça s'appelait « Les paysans sont de retour », donc c'était un petit peu... expliquer que les paysans étaient passés par pertes et profits dans la modernité, c'était fini, et puis qu'ils se sont invités, comme je dis, au banquet de la mondialisation, on ne les attendait pas du tout, et tout à coup ils sont apparus et ils ont commencé à s'organiser. Donc ça, c'était le premier livre. Le deuxième, La riposte des paysans, c'était quelles sont les luttes qu'ils mènent et quel est l'affrontement qu'ils ont avec le système d'agriculture industrielle. Quels sont les nœuds dans lesquels ils se battent. Et puis le troisième, c'est de montrer qu'au-delà de la simple lutte paysanne et de la simple lutte pour leur survie, il y a la question de la lutte paysanne pose un problème plus général de société, qui est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la place qu'on allait leur donner et les choix de société que les non-paysans doivent faire pour soutenir les paysans. En fait, c'est ça. Donc, j'ai essayé de démontrer les éléments... Alors, en plus, je l'ai fait un peu sur le côté... J'ai choisi de diviser le livre plutôt par sentiment, c'est-à-dire colère, les choses qui me mettaient en colère, c'est-à-dire les choses dont on sait qu'on continue à faire alors qu'on sait que c'est pas bon. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple les traités de libre-échange, c'est un exemple. On sait très bien que c'est parfaitement négatif pour la plupart, pas uniquement les paysans, d'ailleurs c'est négatif pour tous les secteurs d'activité, ça met les gens en concurrence. Au lieu de penser les choses en termes de complémentarité, d'entraide, on ne pense qu'en termes de concurrence. Comment je vais écraser mon voisin? Il y a un paysan qui disait, dans un autre livre je l'ai cité, il disait... Je préfère avoir un voisin qu'un champ plus grand. Et bien ça, voilà, ça c'est un autre type de valeur. Quand je dis qu'il y a d'autres valeurs, ça veut dire quelque chose. Ah, ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais voilà. Alors ensuite, ensuite, je ne me rappelle plus, j'ai dénoncé toutes les impostures, les faux trucs, les faux... Alors, il y en a dans tous les domaines... Je suis très... Bon, mais c'est trop long à expliquer. Le problème de l'agroécologie, c'est très long à expliquer toutes les impostures qu'il y a autour de ça. Parce qu'en fait, le système qui est appuyé par des agronomes, qui est appuyé par des syndicats, qui est appuyé par les hommes politiques, qui est appuyé par les banques, qui est appuyé par les grandes industries agroalimentaires, tout ce système-là, quelque part, il sert, ils savent qu'ils sont dans un mur. Et donc, ils vont essayer de faire toute une série de choses pour récupérer, c'est-à-dire changer sans rien changer, faire semblant de changer sans rien changer. Mettre du greenwashing, on va faire plus vert, alors on fait de la bio et ça devient de la bio-industrielle, on fait des circuits courts et ça devient plus des circuits courts, ça devient des trucs sur Internet, etc., où il y a une rupture entre... Et voilà, donc je dénonce toutes ces impostures, ces récupérations, etc. Donc ça, c'est l'autre chose. Ensuite, j'ai une partie... parce que moi, je ne suis pas très... Le terme de transition ne me plaît pas du tout parce que je considère que transition, c'est rester dans le même système en changeant des choses. Et moi, je pense qu'il faut vraiment faire une rupture avec le système dans plein de domaines. Donc, il y a une partie rupture et une partie dissidence parce que mon idée finale, c'est que comme les États n'ont pas du tout... ne bougent pas et n'ont pas, à mon avis, l'intention de bouger, voilà, et qu'on ne va pas les prendre, on ne va pas prendre le pouvoir, on ne va pas prendre les États. Donc, il faut rentrer en dissidence, ce que j'appelle rentrer en dissidence, c'est-à-dire se déconnecter du système au maximum. Donc, c'est gagner en autonomie, mais à tous les points de vue. C'est-à-dire, bon, j'en ai parlé des paysans, mais par exemple, créer une AMAP, enfin, ce que nous, on appelle un système de panier, etc., ça permet, par exemple, de se déconnecter du marché, puisqu'on décide soi-même des prix, on décide soi-même des conditions. Si le paysan est en difficulté, on va l'aider. C'est ça aussi. La déconnexion. Et puis plus largement, à la fin, je cite des exemples de sociétés qui se sont construites en mettant au centre l'agriculture. Alors ce sont des qui existent. Hein. Donc ce sont des, bien sûr, c'est dans les pays du Sud parce que c'est là qu'il y en a le plus. Alors j'en cite deux, le mouvement des sans terres du Brésil et les zapatistes au Mexique. Je les cite parce que je les connais, j'y étais. Et je dis à nous de trouver nos modèles. Moi, je pense qu'en France, l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, c'était une tentative. Ça a échoué, mais enfin, ça a échoué. L'aéroport, c'est quand même pas fait, mais les gens qui ont été n'ont pas réussi à... C'est pas fini, hein, mais ils n'ont pas... Disons, ils n'ont pas abouti complètement dans la construction d'un autre système. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que pratiquement toutes les luttes qui ont lieu actuellement, par exemple en France, Bure aussi, pour les déchets nucléaires, etc., il y a toujours des paysans dedans et il y a toujours un projet agricole avec. Donc ça prouve bien que c'est ça qui est vital si on veut repenser une société. Donc c'est ça que j'ai essayé de dire... Au 21e siècle, doit être paysan ou ne sera pas. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. On sent un petit peu la fougue là, parce que ben, ça, c'est mon avis personnel. Ce matin et cet après-midi, c'est un peu, ça, c'est, je dis, c'est en mon nom, hein, c'est un peu un ras-le-bol d'entendre les gens se plaindre que ça va pas et que je pense que c'est bon, on sait que ça va pas, tu vois. Il manque ce manifeste. Non, mais sans déconner, parce que il manque vraiment un souffle pour se dire, et ça me parle complètement ce que tu dis, c'est-à-dire que le système, de toute façon, il ne faut pas l'attendre, il ne bougera pas. Et donc, créons un circuit, des circuits entre nous, entre le monde, quoi, entre les gens, entre ceux qui produisent à manger, ceux qui mangent. Voilà, je crois que c'est... Et ça donne des pistes et aussi... de la résistance concrète, quoi. Tu vois, il y en a un peu marre de ces matinées ou de ces après-midi où, au fond... Et c'est ça qui manque, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, mais c'est normal. Les gens... c'est un saut, quand même, hein, de dire rentrer en dissidence par rapport à un système. C'est un saut, quand même, idéologique, très fort, qui est difficile à passer. Alors, il y a des gens qui, en fait, de fait, le font. Le font sans que ça s'appelle comme ça, ni sans le dire, etc. Donc, ils le font. Mais c'est comme tout. Hein. Il faut travailler ensemble, essayer de construire ensemble. Moi, c'est une hypothèse. Hein. Voilà, je le dis, je montre des exemples, ça marche. Alors, à nous de trouver aussi les formes de dissidence qu'on doit mettre en place. Voilà, si on réfléchit dans ce sens-là, c'est vrai que quand on réfléchit dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses qui tombent, beaucoup de choses que les gens considèrent qu'il faut gagner ceci, gagner cela. Non, comment gagner en autonomie, c'est déjà une première réflexion très importante. C'est pareil, le centre de tout. Et quand tu parles que le politique, tu disais tantôt, ben, il sait qu'il va droit dans le mur, tu veux dire quoi quand tu dis ça ? Ben, ils n'arrivent pas. On voit bien que toutes les dernières, par exemple, si on regarde la politique agricole commune, ils tournent autour de... Ils n'arrivent plus à trouver de solution. Le système continue à déraper. Le système, les dégâts continuent à se faire. Personne ne les arrête. Donc, ils le voient bien, ça. Quoi, tu parles au niveau de la production, de l'alimentation, de tout. Au niveau de la production, c'est absolument catastrophique. La pollution, la destruction des sols. Voilà. Ensuite, au niveau de l'alimentation, les maladies, ça n'arrête pas. Même si on essaye de les cacher, on ne peut plus les cacher. Donc, il y a plein de choses qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on pouvait encore cacher ou qu'on ne savait pas. On les savait, on les cachait. Maintenant, on ne peut plus les cacher. Et donc, ils n'ont pas de réponse à ça. Donc, c'est en ça que je dis que quelque part, ils savent qu'ils sont dans une impasse. Ils n'ont pas de réponse à ces problèmes-là. Le greenwashing, voilà. Il y a quand même ça qui se met en place assez fort. Oui, mais ils savent très bien que ça ne va pas apporter la réponse au système, puisqu'on fait de la bio maintenant avec des produits chimiques. On arrive à faire de la bio avec un tant pour cent de produits chimiques autorisés. C'est inimaginable. Et que l'Europe... alors maintenant, si ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire baisser les normes de la bio, continue à se faire, ben on va se retrouver dans le même système. Donc l'industrialisation de la bio, ça produit les mêmes conséquences. Enfin, voilà. Donc eux, ils savent qu'ils sont dans une impasse, j'en suis sûre. Mais je sais, je suis presque fini. La Greta Thunberg, tu la vois comment? Ça te parle comment, tout ça, ce mouvement, cette histoire? Moi, je trouve que tous les mouvements sont intéressants. Tous ceux qui disent des choses qui me paraissent justes, la discussion sur le climat me paraît intéressante. Je trouve ça... Elle ne m'intéresse pas particulièrement ni rien, mais je trouve ça absolument scandaleux, la manière dont on la traite, la manière dont on la critique. Mais je veux dire, laissons les gens parler, s'exprimer. Si elle suscite un mouvement, mais tant mieux. La question du climat est très importante. Si ça prend cette voie-là, mais pourquoi pas? Bon, c'est pas forcément la mienne, mais je trouve ça, mais comme si on n'avait rien d'autre à faire. Tu veux dire attaquer sa personne? Oui, non, moi je parlais pas de ça. Ça, on s'en fout, mais c'était plus... Mais quand même, c'est très significatif, quand même, d'un état d'esprit. Ça veut dire quoi, ça? On se polarise sur des choses insignifiantes et on laisse de côté les problèmes fondamentaux. Donc, non, la question du climat me paraît importante. Mais je pense que la question de la biodiversité, dont on parle beaucoup moins, est tout aussi importante, parce qu'en cas de changement de climat, c'est la biodiversité qui va nous permettre de nous sauver. Et on en parle beaucoup moins, parce que le climat, c'est plus médiatique, parce que les gens, ils voient le temps qui change, etc. La biodiversité, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de manger chaque fois de moins en moins de variétés de produits, qu'il y a 14 légumes qui sont sur les marchés alors qu'il y en a des milliers qui existent dans le monde, et que derrière les industries semencières sont en train de détruire toute la biodiversité, et on en parle moins, quoi. Donc c'est tout ça aussi qui me semble remettre à l'ordre du jour des choses dont on ne parle pas beaucoup, quoi. Et les paysans, ça permet ça. Oui, de se rappeler qu'on vient de la nature, c'est ça que tu veux dire? Exactement, qu'on vient de la nature et qu'on a besoin d'elle pour vivre. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'autre solution. Depuis l'homme néolithique jusqu'à maintenant. Même avant. Oui, parce que tu es économiste, hein? Oui, je me soigne. Pourquoi tu as eu envie? Non, mais c'est... Enfin, moi, je trouve non, que... c'est par hasard que je suis devenue économiste et ça ne m'a jamais plu. Et donc, je dis bien, heureusement que j'ai fait de la socio, ça a compensé. Et je dis toujours, je me présente, je dis, je suis économiste, mais je me soigne. Bon, ben écoute, on n'a sûrement pas fait le tour, mais tu vois quelque chose, toi, à dire comme ça, spontanément sur tout ça? Tu dis? J'ai tout dit. Mais moi, pour faire une petite parenthèse, de la Greta Thunberg, c'est pas... tu sais, ça, c'est les médias qui font tout pour noyer le poisson, qui vont la critiquer, elle, en tant que personne, on s'en fout. Mais moi, j'ai entendu, et on sait jamais que tu avais aussi entendu, et du coup, c'est pour ça que je te posais la question, que tout ça est une grosse mise en scène aussi pour justement mettre le climat en avant, et que ça va toucher tout le monde, et que ça permet ensuite de faire du business vert, en fait. Que derrière elle, tout ça est... Enfin, j'ai lu ça en faisant de la recherche avec des journalistes très... Oui, mais bon, il y a un truc clair. On a un système qui a une force de récupération tout à fait impressionnante. Donc, elle peut récupérer absolument tout, dans tous les sens, etc. À nous d'être vigilants, à nous de faire attention, et à nous de je pense qu'il ne faut pas, se polariser sur des gens qui vont nous servir de guide, etc., etc. Mais il faut partir des gens qu'on connaît, dans les endroits qu'on connaît, dans les endroits où on est, avec les gens avec qui on travaille, et à partir de là, on peut construire. C'est qu'à partir de là qu'on fera de la base et des gens qu'on connaît. Et puis, bon, on laisse parler les autres. On veut toujours... Voilà, on laisse parler les autres et on laisse... C'est ça dans tes plans. Mais oui, parce que la question, c'est d'agir. Hein, ce n'est pas simplement de parler. Donc, agissons, on sait ce qu'il faut faire. Ce qui est la chance quand même, c'est que pour l'agriculture, on sait faire, on sait ce qu'il faut faire. C'est pas, l'industrie, c'est beaucoup plus compliqué à changer. Hein. L'industrie, je pense qu'elle va, elle va mourir parce que les matières premières vont disparaître. Mais l'agriculture, on a la chance de pouvoir avoir des matières premières renouvelables à l'infini si on les traite bien. Et on sait comment faire pour le faire bien. Donc on a une chance inouïe, on a un mouvement international qui porte, on a des gens qui demandent que ça, de s'intéresser. Donc allons-y, allons-y quoi. Allez, on y va. Merci Sylvia Pérez Vitoria. Merci, merci beaucoup. Je me retrouve devant, à côté plutôt, non devant presque, hein, côté, hein, de Ezio Gandin en fait, qui était anciennement président des Amis de la Terre. Et donc on se retrouve ici dans un événement qui dure un week-end pour parler un peu écologie, comment on dirait ça? D'écosocialisme, c'est vraiment le terme, c'est-à-dire à la fois d'écologie et d'organisation du monde économique. Voilà, et alors j'avais envie de te donner un petit peu la parole, Ezio, parce que ce matin, tu as fait un petit exposé, mais mini, de rien du tout, oui. Parce qu'il y a eu un problème, mais elle peut sortir, la douche. Hein. Oui, c'est parce que, non, à mon avis, il y a peut-être une autre sortie, hein, oui, j'espère pour elle. Et donc ce matin, tu as fait un petit exposé, petit parce qu'il y avait un problème technique, mais je trouvais ça super intéressant de ce que tu causais, puisque tu parlais des énergies, de l'énergie, entre autres évidemment fossile. Et tu disais, tu me dis si je me trompe, que d'ici 2030-2050, ça me fait rigoler de le dire, il devait... Mais c'est qui dit ça? C'est le GIEC? C'est qui dit qu'il y a une suppression des énergies fossiles qui doit se mettre en place? Mais une suppression, mais c'est dingue ça. Oui, c'est le GIEC qui le dit, mais il n'y a pas que le GIEC, il y a beaucoup aussi d'écologistes qui disent par rapport simplement à la situation climatique, hein, puisque aujourd'hui on sait que le climat déraille et avec toutes les instabilités du climat que nous commençons à vivre ici et beaucoup plus dans d'autres pays. L'origine de ça, c'est quand même le réchauffement de l'atmosphère. Et ça, c'est dû aux gaz à effet de serre qui s'accumulent. Et la principale gaz à effet de serre, c'est le CO2, hein, qui est une molécule bien connue, qui n'est pas un polluant, mais qui a une molécule qui a une particularité, c'est que les rayons infrarouges qui sont émis par la Terre, au lieu de les laisser partir dans l'espace, elle les capte. Ce qui fait que on réchauffe le manteau, l'atmosphère qui est autour de la Terre. Et ce réchauffement-là, aujourd'hui, il est global. Donc il n'a pas qu'un impact limité, mais un impact sur l'entièreté du climat, avec localement des variations qui peuvent être encore beaucoup plus importantes. Alors, le seul moyen de limiter ça... Il y a deux manières. C'est en tout cas de dire les gaz à effet de serre, il faut absolument éviter d'en accumuler encore plus dans l'atmosphère. Et donc, il y a deux manières de voir. Il y en a une qui est de dire on continue à faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire on en produit beaucoup, mais on trouve des systèmes qui vont les capter en même temps. D'accord ? Donc, on va produire plus, mais on va aussi capter beaucoup plus. Et on va mettre des machines en place qui vont capter. Ça, c'est une politique. Ou il y a une deuxième, l'autre extrême, je vais dire, qui est de dire on va arrêter de produire des gaz à effet de serre. D'accord ? Et donc arrêter de produire des gaz à effet de serre, ça veut dire arrêter d'utiliser les énergies fossiles qui aujourd'hui constituent 80% de l'énergie que l'humanité utilise. Ce qui est énorme. Ah oui, tout à fait. Donc entre charbon, gaz et pétrole aujourd'hui, c'est 80% de notre énergie. Le reste, c'est du bois. Et puis alors, les énergies renouvelables et les autres éléments, mais qui sont tout à fait marginaux. Le charbon aussi. Oui, quand j'ai... Tu parles des énergies renouvelables, pardon. Ouais. Les énergies renouvelables, elles sont vraiment faibles, mais elles sont en expansion et il y a probablement des choses à attendre de ce côté-là. Et il faudra les conserver. Et quand tu parles d'énergie renouvelable, oui, enfin, tu parles de... Il y a l'hydraulique qui en est une, et puis il y a l'éolien et le photovoltaïque qui sont les deux grandes et qui continueront à se développer, c'est clair. Voilà, mais elles ont leurs avantages, d'accord, elles sont renouvelables et tout, elles vont moins, mais je vais dire, elles nécessitent des investissements importants, voilà, qu'il faudra faire ou que certains ont déjà fait au niveau local, mais au niveau collectif, il faudra faire des choses encore beaucoup plus importantes, parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables ne contribuent que pour un faible pourcentage de notre consommation énergétique. Parce que, en un siècle, on a pris de très très mauvaises habitudes et on a consommé de plus en plus parce que le pétrole, le charbon facile, le pétrole facile, le gaz facile était là, en quantité abondante, et on a cru que ça allait être toujours comme ça. Et aujourd'hui, ça nous rattrape d'une manière indirecte, parce qu'il y a 20 ans, on était plutôt sur la réflexion de dire, mais on va passer par un pic du pétrole, un pic du gaz après, et un pic du charbon encore après. Ce qui est vrai, hein, c'est là. Mais on est rattrapé en vitesse par le changement climatique qui nous dit, hey, les gars, vous n'avez plus le temps d'attendre qu'il n'y ait plus de pétrole, il n'y a plus de gaz et tout. Parce que si vous attendez ce moment-là, le climat sera complètement déréglé, toute vie sur Terre va devenir difficile, pour l'humanité c'est clair, mais pour toutes les autres formes de vie aussi. Et donc là, on a vraiment une urgence qu'on n'avait pas en tête, ou en tout cas moi par exemple, bien en tête il y a 20 ans d'ici, qui est là, qui est de dire en une génération et demie, on doit faire des changements colossaux au niveau de notre manière d'utiliser l'énergie et donc de toute notre économie, puisque l'économie, elle est basée sur l'utilisation de ressources essentiellement énergétiques. Voilà. Mais tu es d'accord qu'on est loin de mettre en place une politique autre d'énergie, quoi. Là, on est basé, comme tu dis, déjà 80% sur le pétrole. Pétrole, il y a des enjeux... gaz et charbon, les trois ensemble. Il y a des enjeux colossaux. Au niveau des pays, il y a des guerres qui se font au niveau, tu vois, grâce à cause de ce pétrole. Enfin, je veux dire, voilà, moi j'entends. Alors, oui, de notre côté, on parle de réchauffement climatique, on parle de faire des manifestations climat, compagnie. Tu vois ça comment? Parce que moi j'ai l'impression que tout ça, c'est pour quelqu'un qui passe là. Je savais pas que les gens allaient se doucher. Non, c'est pour rire. Hein. J'ai pas le sentiment. Je le sens. Oui, on sent bien parce que toi, ça fait un bail que t'es. On l'a dit, hein, mythe de la Terre, que tu réfléchis à ces questions-là. Mais aujourd'hui, on sent bien que ça y est, ça rentre un peu plus dans la pensée des masses, comme oui. Ça, on va dire, hein, même si, oui. Si j'aime pas trop ces termes-là, mais ça commence à toucher un plus large public. Oui. Mais j'ai l'impression, voilà, et j'aimerais bien que tu m'éclaires aussi là-dessus, j'ai l'impression que tout ça, c'est pour faire se prépare un capitalisme vert, quoi, voilà. Et qu'au fond, non, on n'y croit pas. Enfin, les politiques, je parle, hein, les politiques ne sont pas prêts à lâcher ce bazar parce que ça représente évidemment des enjeux colossaux. Oui, mais... Voilà. Comment est-ce que tu vois la chose? Parce qu'il ne suffirait pas de faire simplement des énergies renouvelables et voilà, ça y est, c'est gagné, ce serait trop facile. Enfin, tu vois, il faut aussi changer, enfin moi j'ai envie juste de dire ça, il y a aussi changer cette manière qu'on a de vivre follement, quoi, entre guillemets, tu vois. Là, je suis d'accord avec toi. On a fait depuis à peu près 20 ans des énergies renouvelables, 30, de manière de plus en plus importante, mais ça reste quand même tout petit par rapport à la consommation énergétique aujourd'hui. D'accord ? Elles vont se développer, mais il ne faut pas espérer qu'en 2050, par exemple, que l'humanité va utiliser autant d'énergie qu'aujourd'hui. C'est strictement impossible. Si elle n'utilise pas d'énergie fossile, on va peut-être avoir à notre disposition 20 ou 25% de l'énergie que l'on a aujourd'hui. Et donc, c'est mais là... Je te coupe juste, hein, comme ça, tu suis bien ma pensée. Mais c'est pas possible qu'il n'y ait plus d'énergie fossile, quoi. C'est comme... Mais parce que, regarde si tout ce qui... Si tu décides de ne pas l'utiliser. Mais qui décide? Ah ben, ce sont... Je vais dire, à part si on est conscient que les changements climatiques vont induire de telles difficultés de vivre, je vais dire, on peut très bien se dire, si on est des personnes conscientes et une humanité consciente, de se dire, il faut vraiment que là, on mette en place un mode de vie qui est durable. Ok, mais quoi, tu comptes sur quoi? C'est les gens? C'est le politique? Comment est-ce que tu vois les choses? Le politique, aujourd'hui, il va un petit coup, parce qu'ils font des petites choses. Comme quoi, par exemple? Par exemple, de dire, on va limiter la consommation des voitures. Ou bien les voitures ne vont plus rentrer en ville comme elles le veulent, et on va plutôt ouvrir l'espace urbain au mode doux. Tu trouves ça bien? Oui, c'est clair que c'est bien. Tu ne dis pas qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, ça veut dire que peut-être on va faire tout pour que tu consommes un peu plus, il y aura moins de voitures, et donc on va te faire que tu sois beaucoup plus détendu. J'invente, hein, oui. Avec des musiques douces, avec des odeurs parfumées pour que tu consommes plus, plein de capteurs pour faire des smart cities, tu vois, je veux dire, on a lâché d'un côté, mais on essaye de rattraper de l'autre, quoi, voilà. Enfin, ça, après, c'est bon. Clair qu'il y aura toujours, mais... Je pense qu'il y a quand même un souci au niveau des entreprises, ça c'est clair. Donc celles qui produisent, elles sont conscientes qu'aujourd'hui, en termes de ressources, c'est limité. Et qu'elles doivent penser, surtout celles qui ont des marchés longs, hein, c'est-à-dire on compte développer en un an et puis c'est fini, mais qu'on développe sur 10 ans, 20 ans, enfin même plus, tellement les investissements sont importants, de dire il faut vraiment qu'on pense en termes de ressources. Donc ça, c'est clair. Aujourd'hui, ce que je ne sens pas encore, c'est la remarque que tu as faite, hein, plusieurs reprises, c'est de se dire, il faut qu'on fasse attention aux ressources et on est sûr que demain, on va peut-être n'avoir qu'un quart des ressources énergétiques que j'ai aujourd'hui. Ça, je ne le sens pas dans les entreprises comme celle où je suis, de se dire, on sent que les ressources sont limitées, qu'on doit penser chaque fois que dans la stratégie de dire attention, est-ce qu'on aura bien ces ressources-là plutôt en matière première. Mais en termes d'énergie, je ne sens pas encore une pression telle de dire si ce processus-là ne consomme pas le dixième de ce qu'on consomme aujourd'hui, on le met à la poubelle. Ça va venir, je pense, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et donc ça, c'est un élément important. Et je pense que c'est de ça que va venir le fait que peu à peu, on va se débarrasser de ces énergies fossiles et les laisser sous les pieds. Mais c'est vrai qu'on va mesurer comme ça le niveau de conscience de l'humanité. Je vais dire, est-ce que c'est après nous les mouches ou pas? Si on croit dans ce que le GIEC dit, et dans, quand je dis GIEC, c'est un peu tous les gens qui aujourd'hui travaillent sur des modèles de climat, je vais dire, l'idée, c'est vraiment qu'il faut qu'on arrête de mettre des gaz à effet de serre. Alors, il y a une ou deux solutions alternatives, je t'en avais parlé tout au début, c'est de dire, OK, on croit dans ce que le GIEC fait, puisqu'il y a des milliers de scientifiques qui travaillent là-dessus, les modèles deviennent de plus en plus précis, et donc il y a un autre moyen, c'est de dire, on arrive à pomper tout le CO2 que l'on produit. D'un côté, on continue à utiliser, on va faire rouler les avions et tout ce qu'on veut, mais on va pomper le CO2 qu'on produit. Et l'autre solution, qui est encore plus subtile, c'est de dire, on continue à produire le CO2 dans l'atmosphère, mais l'atmosphère, pourquoi est-ce qu'il se chauffe? Parce qu'on a le soleil qui frappe la Terre. Et puis, au lieu que l'énergie puisse s'en échapper comme elle le faisait avant, elle s'en échappe de plus en plus difficilement à cause de l'atmosphère qui capte les rayons infrarouges. C'est de dire, limitons la quantité de lumière du soleil qui arrive sur Terre. Donc c'est comme si on avait un petit bouton qui permet de dire, le soleil aujourd'hui, tu ne produis plus 100%, mais 99%, l'année prochaine 98%, de manière à ce que nous, on puisse continuer à faire ce qu'on veut. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, où on a des mesures vraiment mondiales. Disons, par exemple, une la plus connue, c'est de dire qu'on disperse dans l'atmosphère des petites particules qui agissent comme des miroirs et qui font que la lumière du soleil, au lieu d'arriver sur Terre, elle est réfléchie de nouveau dans l'espace. Ça, c'est l'autre solution, c'est de dire qu'on continue à faire comme maintenant, mais on sait d'outils de géo-ingénierie pour pouvoir continuer. Alors, heureusement, pour du pouvoir côté, continuer à consommer sans rien changer, quoi. C'est ça que tu dis. Continuer à puiser dans les énergies fossiles et à utiliser, parce que c'est vrai, les énergies fossiles pour améliorer notre confort de vie. Hein, je veux dire, si on regarde dans notre confort de vie, les énergies fossiles, ils sont pour beaucoup. Et donc, dire on les réduit, c'est ça la question. Hein, c'est les réduire, comment peut-on faire pour que des gens riches aujourd'hui acceptent d'avoir leur confort de vie, puisque d'une manière indirecte, ça va l'être, qui va être réduit. Mmh. Et de dire, ben, j'accepte d'avoir un confort de vie qui va être réduit parce que je vais me déplacer moins souvent, je vais me chauffer un peu moins, ou je vais acheter moins de produits qui viennent de bien loin, d'accord ? Parce que je suis convaincu que ça fera du bien pour mes enfants et mes petits-enfants. C'est là où je pense qu'il y aura un grand débat, j'espère qu'il va arriver progressivement dans les prochaines années, où la société sera capable de faire ça et qu'on aura des politiciennes et des politiciens capables d'aider le grand public dans ces choix-là. Eh ben, tu as une vision, tu es positif, hein, Ezio. Ah ben, ou tu penses ça, et ça correspond à mes choix de vie aujourd'hui, ou bien tu te dis, on fait n'importe quoi, mais moi je ne serais pas satisfait si je me recommençais à prendre la voiture pour tout et pour rien, à acheter des produits qui viennent de l'autre côté de la terre, alors que je peux me satisfaire. Ici, à midi par exemple, j'ai mangé que des choses qui sont produites à moins d'un kilomètre de chez moi. Et dans la coopérative, je veux dire, voilà, alimentaire dont je fais partie. Voilà. Tout ce que j'ai pris là, avant-hier, ça a fait mon repas de midi complet aujourd'hui. Donc c'est faisable. Et j'y ai éprouvé du plaisir en mangeant parce que c'était bon. Et en plus, en me disant, je soutiens comme ça les agriculteurs et les maraîchers qui habitent à côté de chez moi et qui sont venus s'installer il y a peu de temps. Mais c'est sûr. Toi, ton voisin, en tout cas les gens qui te ressemblent, voilà, on s'assemble, qui se ressemblent, on dit ça. Et pour moi, il n'y a plus à démontrer qu'un autre monde est possible, un autre système est possible. Mais évidemment, à du 2000 à l'heure. Oui. Mais il y a aussi tous les gens qui n'ont pas le temps de réfléchir. Il y a les gens qui sont fatigués, il y a des gens qui sont dans le système. Enfin, toi, il y a des gens qui sont autres que nous-mêmes, quoi, voilà. La question, c'est on pensait au-delà de soi-même et au-delà de ses amis ou de voilà comment on fait quoi, parce que voilà il y a quand même une masse de gens qui est là. Moi je crois que c'est par le biais du politique, par des lois fortes, tu vois, qui vont faire qu'on va pouvoir changer ce monde quoi. Mais tant que c'est tout un chacun qui peut décider ou qui n'a pas le choix parce que la vie n'est pas facile, parce qu'il faut travailler, parce qu'on est fatigué, parce qu'on préfère ne pas trop réfléchir. Enfin, tu vois, sans jugement de valeur, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que si tu regardes depuis 10 ans, ou, enfin 20 ans, mais surtout 10 ans, les idées du GIEC ont fait beaucoup de chemin. Je veux dire, c'est vrai, nous, on a toujours l'impression que ça ne va pas assez vite, mais je vais dire, se dire, on va laisser le pétrole, le gaz, le charbon qui est en dessous de nos pieds, on va le laisser là. Je vais dire, il y a 20 ans d'ici, tu aurais dit ça, on t'aurait pris pour un fou. Parce que là, on parlait de pic. Aujourd'hui, on se dit non, on va devoir le laisser. On sait qu'il faudra laisser les trois quarts du charbon que l'on sait déjà, qu'on pourrait aller chercher aujourd'hui. Ben, on va devoir le laisser. Le pétrole, à peu près autant. Le gaz, peut-être un peu moins. Mais... Donc voilà. Et ça, c'est quand même une idée qui commence à percoler. Au niveau de l'idée globale, maintenant, c'est vrai que quelles mesures et comment on va toucher aux différents usages de ce pétrole et du charbon en sachant qu'on n'a pas d'énergie de substitution en quantité telle, ça c'est encore quelque chose qu'on ne voit pas pointer. Comme tu dis, les GIEC, on en entend parler maintenant. Oui. Hein. Avant, c'était peut-être réservé, maintenant, ça y est. Mais après... Voilà, tu peux m'envoyer péter, hein, d'accord ? Moi, j'ai l'impression que ce qui se prépare pour la suite avec le GIEC, avec ces manifs pour le climat, avec ces têtes d'affiches-là de jeunes qu'on met comme ça en avant super fort, j'ai l'impression que c'est tout ça, cette partie, hein, le GIEC... Tout ce que je viens de dire, eh bien, c'est ça y est, on va tourner la page, mais pour mettre une nouvelle économie, parce qu'il faut trouver un nouveau marché, des nouveaux marchés sous couvert de vert, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Tu as compris ma question ? Oui, tout à fait. Ben, c'est un des dangers, mais je pense que on n'a pas d'énergie de substitution aux énergies fossiles, comme j'ai déjà dit, en termes de quantité. D'accord ? Donc, si la décision est effectivement de sortir des énergies fossiles, on va devoir faire avec beaucoup moins d'énergie, quelle que soit la position. On est incapable aujourd'hui de développer en 30 ans le nombre de kilowattheures ou de mégawattheures, gigawattheures que nous donne le pétrole, voilà, le charbon. Moi, ce que voilà. Je comprends, ça, c'est que la puissance du pétrole, si on l'utilise moins, le système ira d'office moins vite parce que oui. Le pétrole est vraiment, je simplifie la pensée, hein, mais un produit méga fort, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Le pétrole, c'est une énergie condensée incroyable qui est facile à transporter, voilà. Et à faire de à peu près tout ce qu'on a appris à faire avec. Voilà. Et donc, je pense que le pétrole, dans l'avenir, il va probablement être réservé plutôt à des applications nobles, qui sont par exemple de faire des polymères, des plastiques, pas ceux qu'on balance dans la mer, mais certains dont on a besoin pour certaines applications. Hein, je veux dire, je suis content chez moi d'avoir des gouttières en plastique, certains endroits, et d'avoir un seau en plastique ou un arrosoir en plastique. Quand il est bien fait, il dure au moins... J'ai des seaux pour mes toilettes sèches, ils sont là depuis 20 ans, ils sont toujours impeccables. Moi, je trouve que les bottes en caoutchouc, c'est génial. Ben voilà, donc j'en ai, que j'utilise depuis 15-20 ans, c'est super. Voilà, mais tu peux faire des produits en caoutchouc, en polymère, que tu vas garder très longtemps et que je ne voudrais pas des sabots en bois. Mm. Voilà, quand je sors, ben, je mets mes petites bottes en caoutchouc et je ne voudrais pas un seau métallique... pour faire ce que je fais avec ma toilette sèche depuis 20 ans. Et donc là, le pétrole peut avoir ça, il peut avoir certaines applications pour les médicaments. Hein, si le service santé reste tel quel, il y a des médicaments qui sont presque impossibles à faire sans pétrole. Donc voilà, il y a des applications, mais c'est tout petit par rapport à l'usage que l'on a aujourd'hui, qui est de le brûler. Ouais. 95% du pétrole, il est brûlé. Voilà. Maintenant, comment ça va se faire et comment on va s'auto-limiter? C'est, je pense, une des plus belles choses qui sera à voir dans les 20 prochaines années ou 20 ou 30 prochaines années. Mais tu crois que c'est possible que dans le système dans lequel on se trouve, il y ait une loi qui est mise en place pour dire, bon, maintenant, on arrête avec ces énergies fossiles et on passe à autre chose, quoi. C'est ce qu'on a failli, hein, je vais dire. La première demande, je pense, qu'on doit avoir aujourd'hui et qui était... le leitmotiv des dernières manifestations sur le climat, c'est de mettre en place une loi climatique. Et la loi climatique, c'est ça, c'est de dire on diminue de X% par an la production de gaz à effet de serre. C'est ça qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, on a convaincu les femmes et les hommes politiques de l'objectif de 2050. On est en train de les convertir sur 2040-2030. Mais ce qu'il faut, c'est les convaincre en 2020, on fait quoi ? En 2021 et on prend des engagements. Mais c'est là où c'est dur, parce que c'est là où on va commencer à mécontenter tout le monde. À dire en 2050 on est fossil free, tout le monde va applaudir, c'est bien. Mais dire en 2022 on aura diminué le mouvement des voitures de 5% et on aura réduit ceci ou ça, là il faut passer dans le concret et c'est là où ça va être difficile. Et là il faut convaincre les gens. Pour qu'on n'ait pas de la résistance type gilet jaune pour toutes les mesures. Oui, mais bon, là, tu abordes le gilet jaune, c'était de la résistance. En tout cas, moi, ça m'a parlé directement. Enfin, oui. Tu vois, c'est d'office. Non, mais ce que je voulais dire par gilet jaune, c'est qu'on n'ait pas une opposition de la rue aussi marquée. Et c'est là où ça doit être réfléchi. Oui, oui, voilà, c'est une opposition de la rue parce que ça n'a pas été, ça a été fait n'importe comment, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. On n'a pas tenu compte où on s'est dit ces gens-là sont quantité négligeable, il ne faut pas nous embêter. Voilà. Et ils ont embêté tout le système. Parce que comme on a un système qui est extrêmement interconnecté, il ne faut pas mettre beaucoup de grains de sel ou de sable pour bloquer un peu tout le système. On bloque la mobilité, on bloque tout aujourd'hui. Et donc, il suffit de se mettre sur certains points névralgiques, de bloquer là, et puis toute notre société est à l'arrêt. Hein. Voilà. Tu as envie de rajouter quelque chose sur tout ça, que je n'aurais pas posé de questions, enfin voilà, de profiter du micro pour dire, toi, Ezio Gandin, ancien président des Amis de la Terre. Oui, petite info que je trouve intéressante, c'est que tu sais, dans les alternatives, donc j'ai dit réduction ou géo-ingénierie, hein, qui est aussi un élément important. Là, le GIEC a dit clairement qu'il n'y croyait pas. Ça, c'est un élément important, parce que sinon, on aurait pu avoir des hommes politiques qui s'accrochent à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est exclu. Je n'ai pas compris. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce que tu... Je n'ai pas compris. Non, parce que sinon, on aurait pu dire on va mettre en place des outils de géo-ingénierie pour combattre le changement climatique. Et ça, le GIEC a dit clairement, ça ne va pas marcher. D'accord? Et c'est vrai, quand on y réfléchit, parce que si à un moment donné, on doit arrêter pour une raison ou pour une autre, alors l'emballement sera extrême et là, on va vers la destruction de tout. Et donc ça, c'est intéressant qu'il y ait cette info-là. Et ça, je crois que c'est dans le dernier rapport du GIEC. Donc il y a à la fois l'objectif qui se précise et aussi, de manière indirecte, ils disent attention, il y a des outils que vous ne devez pas utiliser. Et donc le seul outil qui va rester, c'est de couper vraiment dans cette consommation d'énergie. Okay. Merci Ezio. Merci aussi.